Si ça paye pas, s'il va la vie, tu sais mon ami, j'ai pas un style à la guine, je ne fais pas de rime à bas prix, même sous prétexte de mettre la mif à la brise, ça chante à la cigale, ça taffe comme la fourmi, j'entre en cabine comme un HP, j'en ressors que quand c'est de la folie. Je fais ça pour le kiff, le public la mif fait les refrains certifiés par la street. On fait notre fric, loin de la SNEP. Voilà la scène, c'est le pied quand la foule crie, je suis conscient de toute ma chance, je suis genre de casanier, grâce à la zik qui sillonne toute la France. J'ai de la motive, reste en indé, c'est pour la symbolique, tu deviens vite un artiste dont la carrière dépend d'un algorithme. Je regarde ce monde en déclin, malgré ce monde que je dépeins, t'accrocheras à mon sou comme un trait de compas au peigne fin. Je reste un alien, des rêves pleins la tête, des terriens de marée, personne pourra restreindre la mienne. Une fois que tu réussis, tous ces bâtards te traitent d'opportuniste, mais vivent de sa passion, c'est un Colin Maillard au bord du vide. Là ça tape sur la pochette, des mixages, des masters, des gros textes, des images, des freestyles jusqu'à pas d'heure. On cherche la bonne recette, c'est même pas sûr qu'on fera du beurre, alors qu'on me greffe un peacemaker, si toi tu penses que j'y mets pas du cœur. On cherche la bonne recette, c'est même pas sûr qu'on fera du beurre alors qu'on greffe un beatmaker, si toi tu penses que j'y mets pas du cœur. Malgré les doutes, avec le cœur, on y arrive coûte que coûte. Traverse les gouttes, j'suis sur ma route, même sans ma route secours. J'écris pour foutre le souk, pas pour que ta zouze se touche. Coûte que coûte, chaque fois que t'écoutes, un coup de ta bouche se boucle. Malgré les doutes, on y arrive coûte que coûte. J'traverse les gouttes, j'suis sur ma route, même sans ma route secours. Malgré les coups reçus, il me reste beaucoup de ressources. Écoute, écoute, on est la scoute qui fait que la foule se couche. Pas à la vie, le quotidien fait que chaque jour je grimace. J'attends que ça change comme par magie, vu que la chance s'apprivoise. Et je perds un max de time, j'espère que ça tombe comme le jackpot au casino. Le travail paye, pourquoi j'ai des trous dans les poches? Tout si mon dit, t'inquiète le H. T'as le talent, t'as la gouache. Donc je me suis buté à la tâche, y'a tout pour quitter le bâtiment. J'ai plus 16 piges, mais je crois que je serai jamais vieux. L'argent ça brûle les doigts, et ça rallume pas la flamme que j'avais dans les yeux. Et si demain je revois le jour, est-ce que je dois remercier là-haut? Alors que je squatte tout en bas, est-ce le manque d'espoir qui m'a eu? Sans tous ceux qui croient pas en nous, si moi j'y crois, j'ai déjà gagné. La vie tu connais, t'as haut, personne peut partir sans payer. Donc faut que ça paye vite, la victoire, un lapin blanc pressé. Donc on remet le couvert, j'ai faim, je boufferai sans que la table soit dressée. Je dévie si vite, je fais mentir ceux qui voyaient mon avenir tout tracé. Parie sur ma loose et tu pourras voir la chance passer. Problème s'entasse là et je vois pas le bout de la route. La peine qu'on monte, c'est loin de trahir tout ce qu'on camoufle. J'ai mal à le dire, mais je sais que si je fais plus tout ce qui me nique, je peux vivre seulement de cachets d'amour. Malgré les doutes, avec le cœur, on y arrive coûte que coûte. Traverse les gouttes, j'suis sur ma route, même sans ma route secours. J'écris pour foutre le souk, pas pour que ta zouze se touche. Coûte que coûte, chaque fois que t'écoutes, un coup de ta bouche se boucle. Malgré les doutes, on y arrive coûte que coûte. Je traverse les gouttes, je suis sur ma route, même sans ma route secours. Malgré les coups reçus, il me reste beaucoup de ressources. Écoute, écoute, on est la scoute qui fait que la foule se couche.